Il était un parfum de fleurs. Il descendait des porte-bonheur. Ses frères comme lui tous les jours vivaient des joies, des pleurs, mais chacun savait que le soleil un jour pourrait ne plus ouvrir ses yeux orangés. La la la la la la la la la la la la la la la. Il marchait sur des tapis de fleurs et cherchait en chantant la peur. Il mangeait lorsqu'il le pouvait, il dormait sur des coussins duvet, il riait de sa propre misère. La la la la la la la la la la la la la la la la. Elle est où la conscience qui ne nous dit pas du tout si les gens d'ici bas prendront le goût de tout. Du beau temps qui ne suffisent pas au goût, de ces terres qui ne croient en rien du tout. Ba-da-da. Laï-la-la-la-la. Laï-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Et la nuit, un homme seul pleure sous un toit, toi qui sens l'erreur. Ses pères comme lui tous les soirs aboient et boivent oubliant qu'ils boivent déjà. Il est où l'enfant de la terre? Laï la la la la la la la la la la la la la la la la. Elle est où la conscience qui ne nous dit pas du tout si les gens ici bas prendront le goût de tout. Du beau temps qui ne suffisent pas au goût, au goût, au goût de ces terres qui ne croient en rien du tout. Elle est où la conscience qui ne nous dit pas du tout si les gens d'ici bas prendront le goût de tout de la pluie du beau temps qui ne suffisent pas au goût, au goût, au goût de ces terres qui ne croient.